بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الأخير في تفسير سورة الفاتحة. Bienvenue chers frères pour ce dernier cours dans l'exégèse de Surat al-Fatiha. Cette sourate qu'on récite tous les jours, au minimum, combien de fois ? 17 fois par jour. Au minimum. Après, on en rajoute en fonction des prières surérogatoires que l'individu va faire. Mais sinon, c'est minimum 17 fois par jour. On récite cette sourate. Et donc, on est arrivé à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ihdina sirat al-mustaqim ». Guide-nous vers la voie de rectitude. فَالْفَاتِحَا كُلُّهَا دُعَى. Et donc ici, c'est une invocation. Guide-nous vers la voie de rectitude. La Fatiha, surat al-Fatiha, les frères, en entière, c'est une invocation. Du début à la fin. Mais Allah tabaraka wa ta'ala yu'allimuna al-tariqa al-husna fi du'a. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous enseigne les bonnes méthodes que nous devons utiliser lorsqu'on l'invoque. فَالْمَرْءُ حِنَمَا يَدْعُ رَبَّهُ لَا يَبْدَأْ مُبَشَرَةً. Allah, اِعْتِنِي كَذَا. La personne, lorsqu'elle invoque son Seigneur, elle ne commence pas directement, « Oh Allah, donne-moi ça. Oh Allah, donne-moi ça. » وَلَكِنْ مِنَ الْأَدَابِ الْحَسَنَةِ أَنَّكَ تُثْنِي أَوَّلًا عَلَى رَبِّكِ. Et donc, il fait partie des bons comportements que tu commences d'abord par faire les éloges de ton Seigneur. Comme tu le fais dans Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lorsque tu as fait ces éloges, là tu demandes ce que tu veux. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et donc, c'est pareil. Lorsque tu invoques, tu fais attention donc à faire les éloges de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika tad'uhu bi asma'ihi al-husna. Tu l'invoques avec ses beaux noms. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha. À Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a les plus beaux noms. Alors invoquez-le avec ceci, invoquez-le avec ces noms-là. Fa anta turidu min Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqak. فَدَعُوهُ بِسْمِهِ الرَّزَّاقِ. Tu veux que Allah tabaraka wa ta'ala il t'accorde de sa subsistance, alors invoque-le par son nom الرَّزَّاق. Tu veux qu'il te pardonne tes péchés, invoque-le par son nom الرَّفُور. Tu veux qu'il te fasse miséricorde par son nom الرَّحِيم, etc. etc. D'où l'importance d'apprendre, d'étudier les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc nous les musulmans, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala seul. Mais il se peut donc qu'on utilise, comme on l'a montré, ces différents noms en fonction de ce qu'on veut. Pas comme les chrétiens. Les chrétiens, comme on l'a déjà cité plusieurs fois, plus de 365 divinités, hein, en fonction du jour, il y a un saint, et chaque saint a une fonction. Tu veux invoquer Dieu pour l'amour, il y a le saint de l'amour, il y a le saint des richesses, il y a le saint de la gloire, etc., etc. Au final, plus de 365 divinités. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a guidés, celui qui nous a comblés de ses faveurs, celui qui nous a guidés vers la religion du monothéisme pur. فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc la guidée est entre les mains d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah qui dit à son prophète إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Certes, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est-à-dire celui dont tu aimes sa guidée. Mais Allah guide qui il veut. La guidée, elle est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa hadha yadulluna ayyuhal ikhwa ala ahammiyati hadhihi surah. Et cela nous montre, ô chers frères, l'importance de cette surah. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْدِيَهُ. Car celui dont Allah ne l'a pas guidé, personne ne peut le guider. Personne ne peut le guider, personne. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'il égare, alors il n'a pas de guide. Personne ne peut le guider. فَهَذِهِ السُّورَةُ مُهِمَّ جِدًّا. Et donc cette sourate, elle est très importante, les frères. Car c'est nous, c'est ce qu'on veut. On veut rentrer au paradis. Pour rentrer au paradis, il faut que tu sois sur la voie de guider. Et donc, la guider est entre les mains d'Allah, Azza wa Jal. Donc tu lui demandes plus de 17 fois par jour qu'il te guide, qu'il te place sur la voie de rectitude. Wa anta tara anna an-nas qad ikhtalafu. Et tu vois, les gens, ils ont divergé. Ils se sont divisés. Wa kullu ta'ifatin tad'i annaha 'ala al-haqq. Chaque groupe prétend être sur la vérité. Tu veux comprendre. Quel est le groupe sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour comprendre? Chacun dit c'est lui qui a raison. Comment on fait? Yahri, 17 fois par jour tu invoques. 17 fois par jour tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala la guider. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Alors Allah a guidé ceux qui ont cru. Il a guidé ceux qui ont cru vers la guidée lorsqu'ils ont divergé. Car les gens avant, au début, ils étaient un seul groupe, une seule communauté. Puis ils se sont divisés. Alors Allah a envoyé les prophètes. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes, alors, donc à ce moment-là, la division, elle a été encore plus évidente. Pourquoi? Il y a eu ceux qui ont suivi la vérité, ceux qui ont suivi le faux. Ceux qui ont suivi la vérité, ceux qui ont suivi le faux, ils se sont divergés, ils se sont divisés. Allah tabaraka wa ta'ala a guidé ceux qui ont suivi la vérité, ceux qui ont eu la foi. Il les a guidés, tabaraka wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha ou ila sirat al-mustaqim. Et Allah guide qui il veut vers une voie de rectitude. فكون الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى الهداية أمر مهم للغاية. Et donc le fait qu'une personne demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le guider, ce sujet est d'une extrême importance. ومما يدلنا على أهمية هذا الطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لقيام الليل. Parmi les éléments qui nous montrent l'importance de cette demande, la demande de guider, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cette invocation lors de la prière nocturne. Lors de la prière nocturne. Donc déjà pendant la Fatiha, 17 fois par jour. Mais en plus, la prière nocturne, sous ja'a fi sahih Muslim, anna Aisha radhiyallahu anha su'ilat bi ayyi shay'in kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يفتتح الصلاة بالليل. Il a été cité dans Sahih Muslim que Aïcha radhiyallahu anha a été interrogée avec quelle invocation est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait sa prière lorsqu'il faisait la prière nocturne, qiyam al-layl. Aïcha radhiyallahu anha qui dit كان يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. À la fin de cette invocation, Aïcha qui nous dit, donc l'invocation qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hdini, ô Seigneur, guide-moi. dans le sujet dans lequel les gens ont divergé. Guide-moi vers une voie de rectitude. Certes, tu guides qui tu veux sur la voie de rectitude. Et donc, il est important, chers frères, أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى دائما دائما نسأله الهداية فينبغي لنا حينما نقرأ هذه السورة سورة الفاتحة في هذه الصلاة ينبغي لنا أن نستحضر هذا المعنى. Et donc il est convenable, il est important les frères que lorsqu'on prie, tu es en pleine prière, salat al-Asr, salat al-Maghrib, salat al-Isha, tu es en pleine prière, il est important que tu te rappelles de cette signification. Tu n'es pas là en train juste d'accomplir un wajib, juste en train d'accomplir un acte obligatoire, et après tu dis, khalas, khalas, j'ai fini mon obligation, alhamdulillah, assalamu alaikum, rahmatullah, assalamu alaikum. Alors, il y a quoi à faire encore comme distraction? Non. Là, tu es en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider. C'est une question de paradis ou d'enfer. Et donc, il est important, les frères, lorsqu'on est dans cette prière, tu récites la Fatiha, istahdir hadha al-ma'na, rappelle-toi de cette signification. Tu es en train de demander à Allah qu'il te guide, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te guide. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est quoi sirat al-mustaqim? On l'avait déjà fait dans cette mosquée. C'est quoi Sirat al-Mustaqim? Coran, Sunna, Sahaba. Non. C'est quoi Sirat al-Mustaqim? Ah, j'ai entendu la réponse. Et donc les frères, on est là 17 fois par jour, on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers cette voie, la voie de rectitude. Il faut quand même qu'on sache c'est quoi la voie de rectitude. C'est important quand même. 17 fois par jour, il nous a rendu obligatoire de demander la guider sur la voie de rectitude. Et non, on ne sait pas c'est quoi la voie de rectitude. Et donc Allah Azza wa Jal, ba'dama dhakara hadha al-amr, bayyana lana ma huwa as-sirat al-mustaqim. Il nous a donc, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité donc cette invocation, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie de rectitude, il nous explique tabaraka wa ta'ala qu'est-ce que la voie de rectitude. Alors il nous dit sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Alors on commence à comprendre maintenant, on commence à comprendre un peu mieux qu'est-ce que sirat al-mustaqim, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Men hum, tout à l'heure on a entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, etc, etc, hein? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa man yuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin. Celui qui obéit à Allah et au messager, alors celui-ci est avec ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et donc ces gens-là, هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم, ce sont ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. فأولهم النبيون, les premiers, le premier degré, les prophètes, le plus haut degré. وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. Et le meilleur d'entre eux, c'est le notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Le deuxième degré est siddiqin, les véridiques, c'est-à-dire ceux qui ont été vraiment véridiques dans leur foi, sincères, qu'ils ont respecté leurs engagements envers Allah tabaraka wa ta'ala. وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. Il y a à leur tête Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Aucun doute. Rappelez-vous comme on a vu dans la biographie de Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu l'Isra ou al-Mi'raj, et qu'il y a certains qui ont commencé à douter, les polythéistes ont utilisé cela pour faire trembler les croyants. Votre compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prétend qu'en une nuit, il a voyagé jusqu'au Quds, ensuite, il est monté au ciel et il est revenu. En une nuit, il prétend avoir fait ça. Ils sont allés voir Abou Bakr pour lui dire ça, regarde ton compagnon, ce qu'il prétend. Il a dit, et ouais, quand l'Azak, il a réellement dit ça? Il a dit qu'il a fait ça? Ils ont dit, non, Taïf fait là encore les roues, fait un an au S'il l'a dit, je le crois. Aucun doute. C'est dire. Et donc, à la tête de ces gens-là, ceux qui ont été véridiques et sincères dans leur foi, il y a Abou Bakr, c'est dire. Après ça, on a Shuhada, qu'on a traduit ici par les martyrs. Mais il y a un autre sens aussi. Donc les martyrs, elle l'a dit, Nakutilu Fisabilillah, ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. Il y a un autre sens dans ce terme, Shuhada. Dhakara ba'du al-ulama ahl al-ilm. Les savants, ils ont cité qu'on peut aussi vouloir par là, Shuhada, les gens de science. Pourquoi ? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala ashhadahum. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il les a pris pour témoins. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm. Allah tabaraka wa ta'ala, il atteste qu'il n'y a nulle divinité en dehors de lui. Et les anges et les savants aussi font cette attestation. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il les a pris aussi comme témoins de cette parole de kalimat al-tawhid, le fait qu'il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah. Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il nous dit wal qawlani sahihan. Il nous dit donc les deux avis sont corrects. Le fait de dire que shuhada, ce sont les martyrs, ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, et ce sont aussi les ulama. Et le dernier degré est as-salihun, les pieux. Et donc ça, c'est la voie de ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Tayyib, al-an, les frères, maintenant vous voyez cette voie, c'est le prophète, Abou Bakr, Omar, hein, les compagnons, Allahumma barak, c'est une bonne compagnie que de rester avec ces gens-là, n'est-ce pas? On voudrait tous être avec eux. C'est pour ça que les ulama nous disent "Man ta'ammala fi hadhihi sourah la yastawhish min an-nas." Et nous, celui qui médite sur cette sourate, en fait, il ne ressent pas de peine. Il ne ressent pas de peine ni de solitude quant au fait que les gens l'ont délaissé. Fakun takun wahdak ala al-haq, il se peut que tu sois seul sur la vérité. Et toute ta famille te boycotte. Et pourquoi à chaque fois la prière et tout, 5 fois dans la journée encore, hein? Pourquoi il ne veut pas aller faire un travail comme avocat? Pourquoi il ne veut pas faire un crédit bancaire pour acheter une maison comme tous ses frères? Et sa famille qui le boycotte, c'est difficile, etc. Quand tu penses à cette sourate-là, vous pouvez me boycotter 1000 fois. 1000 fois! Je préfère être avec un nabiyin, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Ça, c'est la voie que je veux. Ça, c'est la voie que je veux. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Madarij al-Salikin, il dit عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر من كثرة الهالكين. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit tu dois suivre la voie de vérité. Tu dois suivre la voie de vérité. Et ne sois pas en manque ou que ne te pèse pas le petit nombre de ceux qui vont suivre cette voie de vérité. Vous n'êtes pas nombreux, plein de gens. Vous regardez autour de nous aujourd'hui le nombre de personnes qui sont à la mosquée. Tiens, regardez dehors le nombre de personnes qui sont dans les bars, qui font des péchés, etc. etc. Alhamdulillah, on suit la voie de vérité. Et ce que les gens font, cela ne nous fait pas de tort. Et ce n'est pas lourd pour nous, ça ne nous pèse pas. Et méfie-toi, prends garde à la voie du faux. Et ne sois pas trompé, ne sois pas leurré. min kathratil haliki, ne soit pas leurré par le grand nombre de ceux qui sont tombés dans la perdition, qui ont suivi cette voie et sont tombés dans la perdition. Et donc, oh chers frères, lorsqu'on médite sur cette sourate, on, peu importe le nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, hein, ils sont durs, la barbe et tout, ils rigolent jamais, hein, ils sortent des crocs, ils mangent les gens, hein, tout ce qu'ils vont inventer à chaque fois pour faire peur aux gens, hein. C'est pas grave, vous pouvez continuer à mentir. Malish. Alhamdulillah, on suit la voie des prophètes. Alhamdulillah. Et donc, qu'est-ce que Sirat al-Mustaqim? On avait vu une fois, dans cette mosquée toujours, on avait vu une parole qui est très connue. Wabididdiha tu'araful ashya. C'est avec leur contraire qu'on reconnaît les choses. D'accord? C'est avec leur contraire qu'on reconnaît les choses. On dit El Aswad diddul abyad, le noir est le contraire du blanc. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle nous montre qu'est-ce que la voie de rectitude. C'est la voie de ceux qui la combien de ses bienfaits. Et ensuite il nous dit Ghayril mardoubi alayhim wa ladallin. Et non la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, al mardoubi alayhim. Et ce n'est pas non plus la voie des égarés. Et donc, si on veut comprendre le contraire de cette voie-là, la voie des mardoubi alayhim waladdallin, il faut donc comprendre qu'est-ce que le mardoubi alayhim et qu'est-ce que ad-dallun. Et donc, qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah et qui sont les égarés? Et c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce que Sirat al-Mustaqim. Et donc, qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah? Abdurrahman, qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. El mardoub alayhim. Ceux qui ont subi la colère d'Allah. Hein? Ah, on a oublié. Oui? Les polythéistes. En fait, effectivement, tous les polythéistes encourent la colère d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. El Yahoud, El Nasara, kulluhum. Qui sont ceux qui sont vraiment connus par cette caractéristique, en Allah radib alayhim, que Allah Azza wa Jalla est en colère contre eux, ce sont ceux qui ne vont pas avec leur science. Al Yahoud wa man tashabbaha bihim. Ah, t'allais dire. Et donc ce sont les juifs et ceux qui les ressemblent. Pourquoi? Li annahum alimu wa lam ya'malu bi ilmihim. Car ils savaient et ils n'ont pas œuvré avec leur science. Ils connaissaient les signes de la prophétie. Ils savaient que le prophète allait arriver. Ils n'ont pas œuvré avec. Et même avant, à chaque fois que venait à eux un prophète, ils le tuaient. Ainsi de suite. Et donc, ils ont la science. Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé cette science. Mais ils n'ont pas œuvré avec. وَلِذَلِكَ شَبَّهَهُمْ بِالْحِمَارِ. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il les a donc fait ressembler à l'âne. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. L'exemple de ceux à qui la Torah leur a été confiée, c'est qui? C'est les Juifs. Et ils n'ont pas œuvré avec. لَمْ يَحْمِلُوهَا, ils n'ont pas œuvré avec. Leur exemple est comme l'exemple de l'âne qui porte des livres. On avait déjà dit, tu viens, tu mets toute la mektaba de la mosquée sur un âne, toute la mektaba, et tu lui dis, allez, tiens, profite. Est-ce qu'il va lire? Non. Et donc ce, kullu man alima shay'an wa lam ya'mal bihi faqad tashabbaha bil yahud. Tous ceux qui connaissent une science et qui n'œuvrent pas avec, alors ressemblent aux juifs. Ils ont en eux une ressemblance aux juifs. فَيَجِبُ الْعَمَلْ بِالْعِلْمِ. Il t'est obligatoire d'œuvrer avec la science que tu connais. Tu sais que tel acte est obligatoire, fais-le. Tu sais que tel acte est interdit, délaisse-le. Tu le sais. Pourquoi est-ce que tu n'œuvres pas avec ta science? Taïb. Et de l'autre côté, Walad Dallin, ceux qui sont connus comme étant égarés. Est-ce que ça veut dire que les juifs ne sont pas égarés? Oui, les juifs aussi sont égarés. Mais les chrétiens sont beaucoup plus connus par cette caractéristique. On avait cité dans cette même mosquée l'exemple entre les Mouhajiroun et les Ansar. On avait dit les Mouhajiroun sont plus connus par la caractéristique de l'Hijra, l'émigration, mais les Ansar aussi ont émigré. Les Ansar aussi, ils ont émigré lorsqu'ils ont délaissé ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « El muslimu man salim el muslimuna min lisanihi wa yadih » Le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Il ne leur fait pas de mal. « Wal muhajiru man hajara manahahu allahu an » El muhajir, l'émigré, celui qui fait l'émigration, c'est celui qui délaisse ce que Allah a interdit. Les Mouhajiroun, ils ont délaissé ce qu'Allah a interdit. Les Ansar aussi. Et donc les Ansar aussi, ils ont cette caractéristique de l'Hijra. Les Mouhajiroun, ils ont secouru le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux aussi, ils ont participé aux batailles. Mais les Ansar sont plus connus pour cela. Mais les Mouhajiroun aussi, ils l'ont fait. Donc eux aussi sont Ansar. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit « El muhajirouna ansar, wal ansar muhajirouna. » Et donc, « El mardoubou alayhim » Les juifs, ils sont connus pour cela, pour cette caractéristique. Le fait que Allah est en colère contre eux, mais il y a aussi le fait qu'ils sont égarés. Le fait qu'ils sont égarés, les juifs. Les chrétiens, ils ont eu cette caractéristique. Ils sont égarés. Pourquoi ?« Li'annahum amilou bila'ilm » Amilou bila ilm, parce qu'ils ont œuvré sans science, les chrétiens. Ils ont œuvré sans science. Ils avancent comme ça, ils ne savent pas où ils avancent. Trinité, tu leur demandes, décris-moi, qu'est-ce que la Trinité, c'est quoi en fait? Ils vont te dire, c'est ci, ça. Il y a un frère qui me dit, hier, il débattait avec son père, et son père, il lui a sorti une autre explication de la Trinité qu'on n'avait pas encore entendue. Ils sont là, ils avancent, tu vois, c'est dans le flou. Comment ça se fait que Jésus, ils ne savent pas. Pourquoi vous adorez une croix? C'est la croix sur laquelle votre divinité est morte. Allahu alayhi, c'est comme ça. On vous a appris comme ça, alors c'est comme ça. Et donc ils œuvrent sans science, ils ne connaissent pas. فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ بِلَا عِلْمٍ تَشَبَّهَ بِالنَّصَارَى Toute personne qui œuvre sans science ressemble aux chrétiens. Toi, tu viens prier. Avant de prier, tu dois apprendre qu'est-ce que la salade. Comment tu fais la salade? Avant la salade. Avant de faire le hajj, tu dois apprendre comment faire les rites du hajj. Avant de jeûner, tu dois apprendre comment on fait le jeûne. Afin de ne pas ressembler aux chrétiens. Et c'est pour ça que Soufiane ibn Uyayna, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yadhkuru lana kalaman an Soufiane ibn Uyayna qol man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahoud. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى Soufiane ibn Uyayna, Cheikh Al-Islam, rahimahullah, il cite une parole de lui qui dit « Celui dans notre savant, celui parmi nos savants, qui s'égare, qui est corrompu, alors il y a en celui-ci une ressemblance aux Juifs. Et celui parmi nos adorateurs, il est concentré dans l'adoration, etc., mais il n'apprend pas beaucoup. » Celui parmi nos adorateurs qui s'égare, qui est corrompu, alors il y a en celui-ci une ressemblance aux chrétiens. Et donc, qu'est-ce que As-Siratul Mustaqim? Qu'est-ce que la voie de rectitude? C'est Siratul Ilmi wal Amali bihi. C'est la voie de la science et du fait d'œuvrer avec. Et donc, à chaque fois que tu viens pour la prière, que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala à la guider, tu demandes qu'il te guide sur cette voie, la voie de la science et le fait d'œuvrer avec. Et donc ça te pousse à apprendre ta religion et ça te pousse à œuvrer avec ce que tu apprends. C'est pas normal que tu viennes, chaque prière tu es là, ihdina as-sirat al-mustaqim, hein, et tu cherches pas à apprendre ta religion. Tu es là tous les jours, tijara, le commerce à droite à gauche, et on ne se concentre pas sur qu'est-ce que je dois apprendre parmi mes obligations, etc. Et donc, ne ressemble pas aux chrétiens, ne ressemble pas aux juifs. Apprends et œuvre avec ta science. C'est ça la voie de rectitude. Et c'est là qu'on comprend l'importance quant au fait qu'on fait cette invocation 17 fois par jour au minimum. Une dernière question avant de finir. Parce que là, on a fait long, mais c'était pour finir donc justement l'exégèse de cette sourate. Une dernière question. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Elam yakun huwa ala sirat al-mustaqim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était-il pas sur la voie de rectitude? Hein? Elam yakun innabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala sirat al-mustaqim. La réponse en arabe. On dit quoi en arabe? Naam. Si tu me dis naam, c'est... Et donc, bel, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la voie de rectitude. Il était sur la voie de rectitude. Les compagnons aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'eux aussi, ils font cette invocation? On peut dire, celui qui sent qu'il n'est pas guidé, etc., il va réciter le Fatiha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il récite le Fatiha. Naam. Il demande « Ihdina sirat al-mustaqim ». Pourquoi ? Les savants, ils nous disent « Al-thabat ala hadha sirat ». Le fait de rester ferme sur cette voie de rectitude jusqu'à la mort. Ne sois pas leurré par le fait qu'aujourd'hui, mashallah, tu fais des efforts pour apprendre ta religion, tu fais des efforts pour connaître la vérité. Alhamdulillah, les gens se sont divisés, les gens se sont égarés, tu as un peu compris, etc. Ne sois pas leurré par ça. Il se peut que tu t'égares. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te raffermisse sur cette voie de rectitude jusqu'à la mort. Al-thabatu ala sirat al-mustaqim. Et donc voilà, concernant l'exégèse et l'explication de cette sourate très importante, sourate al-Fatiha, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, de nous raffermir sur cette voie de rectitude jusqu'à la mort, la voie de la science, et de ceux qui œuvrent avec celle-ci, il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.